Chers amis, bonsoir. Hein, chers amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cet espace de réflexion où, ensemble, hein, nous allons prier et glorifier rien. Rien est notre lumière et vers rien nous marchons. Rien du tout. En vérité, je vous le dis, mes frères et mes sœurs, nous humains, nous voulions tout savoir. Tout posséder, tout contrôler, tout maîtriser. Or, tout était devenu notre Dieu, notre éternel. Et pour ce tout, nous étions prêts à nous entretuer jusqu'à ce que la lumière de rien apparût. Lumière de rien, nous révélant ce tout qui n'était que vide, néant. Rien du tout. Attendez que je fasse le signe. Sinon, ça mène à rien. Voilà quoi. Non, je n'oppose pas tout à rien. Qu'est-ce que tu racontes? Et comment le pourrais-je? Tout s'oppose à tout, certes, mais rien s'oppose à rien. Il n'y a rien, toi, le tout. Oui, il y a le positif, le négatif, alors ça s'oppose. Mais rien. Il n'y a pas de balle. Tu vois? Hein, donc ensemble on prie pour ce rien qui ne s'oppose pas, d'accord? Rien du tout. Rien ne s'oppose à rien. À présent, on va accueillir 5 nouveaux membres du grand mouvement vers rien. Hein, 5 nouveaux bons à rien. La petite blague. Alors, on va accueillir tout de suite Rachid. Bonjour Rachid. Hein, assieds-toi, je t'en prie Rachid. Hein, Rachid, comme son prénom l'indique, donc est originaire de Roubaix. Voilà, de Roubaix. Alors Rachid, raconte-nous comment tu en es venu à rien. Quoi? Je dis rien, moi, qu'est-ce qu'il faut dire? Quoi? On dit pas! Par rapport à deux mois? Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai grandi dans la tradition de mes parents, c'est tout. Ah non, la vérité, j'étais un bon musulman. Tout allait bien, chômage, galère, pas de meuf. Ici là, j'ai rencontré ma femme, quoi, Sarah, là. Vas-y, Sarah, parle à ma place, ça me saoule, l'autre. Voilà. Voilà, c'est tout, c'est pour ça, voilà. Voilà, parce que elle est juive, moi, je suis musulman. C'est ça, au départ, la galère, franchement. Son père, s'il ne pouvait pas me voir, je te dis tout de suite, c'était un sioniste, son père. Moi, je le chauffais, tu sais, j'avais le t-shirt du Hamas, le kéfier et tout, j'étais là. Et je te jure, quand il me voyait, il s'automutilait, là. Avec un bout de verre, il s'ayadait la main, comme ça. C'est une technique de yoga, ça. Pour détourner la souffrance que ça provoquait de me voir, en fait. Et moi, je le chauffais, hein, Sarah, vas-y, chaque fois, tu sais, une fois à table, tu te souviens, là? Je te jure, un dimanche, on mangeait, tu sais, je faisais des bisous à Sarah pour le chauffer, l'autre. Vas-y, je t'aime bien, toi, Sarah. L'autre, je te jure, sous la table, il s'est cramé avec un briquet, comme ça. Il avait une polaire, en plus ça a pris feu, mort de rire. On l'a éteint avec le champagne, mort de rire. Si, j'étais mort de rire, Sarah. Non, mais là où c'est parti en live, non, la vérité, il faut parler la vérité. Hé, je te jure, c'est quand j'ai demandé la main de sa fille. Un jour, j'y suis allé, cash, hein. La djellaba, la beubar comme ça. Le pins, le Cheikh Yassine, j'y suis allé comme ça. J'ai dit, hey, toi, vas-y, je vais épouser ta fille. De toute façon, tu veux pas, je la prends, ta fille. Je te jure, il m'a regardé comme ça. Pas à moi. Il est descendu dans son garage. Je l'ai suivi, tu sais. Il a pris sa perceuse. Il s'est percé toutes les dents. Comme ça. Je te jure, j'ai halluciné. J'ai dit, t'es fou, toi, ou quoi? Tu sais, il m'a vu comme ça. Il a pris une pince comme ça. Il m'a regardé. Il s'est éclaté un testicule devant moi. Comme ça. Là, il s'est calmé. Là, il s'est calmé. Là. Et j'ai dit, t'es chaud, toi, oh! Mais là, là où on l'a achevé, il faut dire la vérité. C'est la naissance de notre enfant. Oussama, là, ça. Oussama Nasrallah, j'ai l'impression. Il s'est tronçonné le corps à la maternité. Sur le parking, c'est dégueulasse, il y a des enfants qui ont vu ça. Pour ça, nous, après, on était obligés de s'enfuir, parce que les familles, ils commençaient à s'entretuer. Hein. Non, après, ils se sont retournés contre nous, ils voulaient nous tuer tous. Et les cousins du Mossad, l'autre, ils me suivaient. J'ai même échappé à un attentat voiture explosive à Bruxelles. Ils sont venus me chercher jusque là-bas. Ouais, ouais, voiture explosive, une Fiat Punto. Et je me suis dit, ça peut pas exploser, une Fiat Punto. Il n'y a rien dans le sac, c'est de la merde, cette caisse. Et bien, un matin, je mets les clés dedans, explosif. Je me suis retrouvé au fond d'un cratère de 5 mètres, le volant dans les mains, comme ça. Et Sarah, elle est arrivée, vas-y Sarah, raconte. Tu sais, elle m'a dit, ah, t'as rien. C'est là, j'ai dit, ah non, j'ai rien. Et c'est là, elle a commencé son délire, vas-y, t'es protégé par rien, tout ça. Vas-y, raconte, Sarah, raconte. Bon. Donc, je vais pas revenir, je dirais, sur le contexte familial. Je crois que tout le monde a bien compris. Ah. Donc, voilà, nous avons été exclus tout à fait de nos familles, mais également, je dois dire, de nos religions. Hein, Rachid ne l'a pas dit, mais il a été démusulmanisé par sa famille. Et moi, j'ai été déjuivé par ma mère. Elle m'a déjuivé. Un matin, elle me dit, Sarah, faut que je te parle. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, Sarah, j'ai bien réfléchi, je te déjuive. Donc j'ai dit, écoute, maman, on ne peut pas déjuiver quelqu'un comme ça, c'est certainement une procédure. Et c'est là qu'elle m'a appris, voilà, que non, en tant que mère, j'ai droit de te juiver ou de... Ben voilà, là j'ai fait une très très grosse dépression nerveuse et une psychothérapie de 2 ans donc qui m'a conduit à rien, voilà, tout à fait. Puisque c'est là que j'ai rencontré donc Nicole du mouvement de rien, vers rien, voilà, ben, qui m'a expliqué, qui m'a beaucoup aidé, tout à fait. Hein. On était perdus, elle m'a dit, vous n'êtes pas seul à croire en rien, tu peux compter sur rien. Rien est là, et voilà, donc, bon, au début, Rachid était réticent, hein. Si, si, Rachid, oh là, il disait, oh, qu'est-ce que c'est que ces gens, on risque peu. Je dis, non, tu risques rien, Rachid. Mais voilà, il était, ben, il avait peur, mais non, non, voilà, parce qu'on était très religieux, tout à fait. Ah oui, oui, ah oui, on faisait tout, les prières, hein, beaucoup de prières, je priais toujours, tous les jours. Qui ça? Dieu, Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que je lui demandais? À Dieu, ben... bonjour, enfin, tout ce qu'on te... Voilà, voilà, voilà, qu'il me protège, moi et ma famille. Non, pas les autres, pas les autres. Mais voilà, je dirais, en retour de cette demande, on n'entendait rien. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, quelque part. Puis quand j'ai appris qu'il y avait ce grand rassemblement, là, Nicole, avec vous, le représentant de rien, là, vraiment, on a beaucoup de chance. Oui, enfin, je représente rien sur Terre, effectivement, mais comme tout le monde, hein, tu sais. Hein. Alors, tiens, allez, on va enchaîner, bouge un peu, merci pour ce témoignage formidable. Non, on va essayer d'aller un petit peu vite, parce que malheureusement, le local hein, nous a été... la personne ne sait qu'on est là, donc on va vite... alors, Christophe, bonjour Christophe, alors viens. Oh, tu es grand, dis-moi, hein, quand tu te dépuis, là, c'est la girafe, là. Assis-toi, donc tu es belge, et toi, tu veux rien, raconte-nous. Je suis Christophe Vandermeut. Je suis belge, je viens de Namur. Je viens de Namur. Et j'ai grandi au Congo. Mon père était coopérant à Kinshasa. Congo belge. 15 ans du Congo. Mon père était une véritable légende locale. Il se faisait appeler le grand Batanga. Ce qui signifie en langage bundengue chez les Mukuna, celui qui tire une seule balle. Il était capable de tirer un éléphant avec une seule balle. Enfin, je vous raconte cette histoire parce que, au moment de mourir, au moment où mon père était au plus mal à l'hôpital de Bruxelles, il m'a dit, viens là, mon chicon. Ah, il m'a fait appeler, mon chicon, ouais, il m'a appelé, c'est un genre d'endive chez nous. Il m'a dit, viens là, mon con. D'ailleurs, à la fin, il m'a appelé mon con. Il m'a dit, tu es grand maintenant. Tu as 40 ans, hein. Lui, on avait 76. Il m'a dit, je vais te dire une chose. J'ai été grand Batanga. Je lui ai dit, mais papa, tu es grand Batanga. Tu es vénéré en terre bundengue. Là, il m'a giflé. Il m'a dit, ferme-la de manière définitive. Il m'a dit, toutes ces histoires de Batanga, la vie, tout ça, mène à rien. Et là, ça m'est sorti, j'ai dit, mais, et le royaume de Belgique? Et là, il m'a dit, je te débelgise, abruti. Et il est mort, sur ce mot. Ouais. C'est quelque chose que... Pardon. Excusez-moi, jamais. Je souviendrai toujours de cette journée-là. Il pleuvait dehors, il y avait cette petite musique sur son transistor. Petit poney. Petit griffe, petit poney, petit poney. Ensuite, je me suis retourné vers l'Église. Je cherchais un sens à l'existence. Alors, bon, étant baptisé donc l'Église catholique, apostolique et romaine, et je veux dire que j'ai eu le déclic il y a 2 semaines. C'était à la cathédrale de Bruxelles, hein, lors d'une homélie de l'archevêque de 9h. 9h de minuit. C'est au bout de 9h, je dis, mais... Tu comprends rien ce qu'il raconte. Ce décor, ces costumes. J'ai ressenti une forme d'imposture. Quand j'ai appris qu'il y avait ce grand mouvement vers rien, vraiment, je suis content d'être paru. Faut-il s'acquitter du noble? Non, on garde ton argent. On n'achète pas rien. Hein? Merci en tout cas, Christophe, pour ce témoignage bouleversant. Alors, non, on va enchaîner. Malheureusement, on ne peut pas. Oui, je sais, tout le monde pourrait parler, mais. Bon, d'accord. Alors, tu es le dernier, d'accord? Hein? Magnanli. Bonjour, Magnanli. Assis-toi. Alors, toi, tu es d'origine asiatique, toi. Hein? On le voit à la forme de ton visage tout rond. Alors, toi, tu comprends rien. Voilà. Je te confirme, on comprend rien ce que tu racontes. Hein? Merci en tout cas, Magnanli, pour ce témoignage. Hein? Alors on va... Non, là on va arrêter malheureusement. Non, mais je sais tout le monde... D'accord, bah, mais tu es le dernier. Oui, j'ai dit 5, d'accord. Hein? D'accord, toi tu es africain, dis-moi. Hein, on le sent que tu es africain. Oui. Il m'appelle au Képi malin. Il vient du Cameroun, non? Ah, mais comment? J'étais le matin au Cameroun, mais comment? Je suis arrivé vraiment. Ah! Les problèmes ont commencé à l'aéroport là. Roissy. Roissy, non. Les douaniers, voilà, les douaniers. N'est-ce pas? J'avais le visa, mais comment? J'ai pris ça à Yaoundé depuis, j'avais ça. Je suis arrivé là, le gars a commencé à me faire le problème. Il a commencé à me raconter que vraiment, les Africains, vous venez trop nombreux. Les problèmes, les Fofana, les machins. J'ai dit, mais quel Fofana? N'est-ce pas? J'ai le visa, non? Quand toi-même tu vas aller au Cameroun, on va faire le problème comme ça. Non, mais comment? vois les gens là. Mais il m'a bloqué, carrément. Quitte là, mais comment? J'ai commencé la chicote, mais comment? Non, vraiment. J'ai quitté là. J'ai avancé. J'ai pris le train qui va à Paris là. Erreur, erreur. Ah, erreur, hein? Non, erreur. Le train file, hein? Ah, la fusée là. J'ai pris ça. J'ai quitté les. Gare du Nord, Gare du Nord. Non, mais là, c'est là que j'ai compris. Hein. On m'avait raconté de Yaoundé là, mais je ne connais. Ah, j'ai vu ça, non. La termitière. Les gens marchaient partout comme ça. Dans toutes les directions. Peut-être même ils ne connaissaient pas où ils allaient. Ils étaient... Ah. Moi-même, je voulais parler. Monsieur, il est déjà. Comment? Non. Même les noirs, hein, termites noirs, ils marchaient comme les termites. Hein. Non, j'ai pensé même que j'allais mourir là. Non, je dis non, comment? Je n'avais même pas pris le plan là de Yaoundé, j'étais parti comme ça. À un moment donné, j'ai vu un gars, il était arrêté. Noir, noir, vraiment. La face d'Aoussa là. Les vendeurs de chèvres du Tchad. Je l'ai reconnu, j'ai dit Aoussa. Mais comment? Viens là, viens ici. Il m'a regardé, hein. Il a dit, monsieur, je suis de la police. Ah, je dis, Aoussa, tu es marrant. Eh, Omar, tu crois que les Blancs vont te laisser faire la police chez eux comme ça? Parce que tu as volé le costume. Ah! Mais lui, il n'a pas rigolé. Il m'a regardé comme ça, il a dit, monsieur, présentation des papiers d'identité. Non, là j'ai dit non. Est-ce que je vais donner mes papiers à un vendeur de chèvres? Mais il m'a bloqué. Ah! Mais vous aimez bloquer les gens ici, hein? Quitte là, mais comment? J'ai commencé les dangereux, comment? J'ai fait la chicote. J'ai parti, j'ai quitté. J'ai quitté comme ça là. J'ai marché dans le mandat, la termitière, vraiment. J'ai cherché quelqu'un. Mais les gens passaient, personne ne s'arrête. À un moment donné, j'ai vu un gars. Non, bien, correct. Vraiment. Il se reposait sur les cartons. Je me suis assis, il sentait un peu fort. Quoi. Je me suis assis à côté. J'ai dit, non, mais dis donc. Mais les gens sont fous ici, hein. Il m'a regardé, il a rigolé. Il m'a dit, tu viens d'arriver, hein? Il m'a tendu sa bouteille comme ça. Il m'a dit, bois ça. Après, ça va venir tranquille, quoi. Ça va ralentir un peu parce que c'était, j'ai senti, hein? Dangereux, comment? C'était boisson rhum. Parce que ça, c'était un entier, les gars. Il boivait, c'était rhum. C'est un entier, les entiers. Ce sont les Africains que les Blancs kidnappaient il y a longtemps. Il reste avec eux comme ça. Mais il était gentil, non, il m'a aidé. Il m'a dit, mais vraiment, toi, tu viens t'embêter là, tu es déjà vieux là, il faut retourner dans ton pays parce que c'est dur, quoi. J'ai dit, non, mais je vais retourner, n'est-ce pas? Je suis venu voir mon petit là, Dieudonné. Il connaissait Dieudonné, il a dit, le comique là, que les Blancs chicotent. J'ai dit, oui, c'est le comique qui chicote. Il connaissait, mais il m'a dit non, tu vas avoir le problème. J'ai dit non, mais je vais voir parce que j'ai expliqué que vraiment le matin même, j'étais en brousse, j'étais au village. J'ai discuté même avec la forêt, avec les arbres. Moi, je parle avec les arbres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de communication avec les végétaux? Je comprends pas très bien là. Ouais, mais c'est pas le sujet. Hein. Est-ce que, ouais, je crois qu'ici, on est là pour parler de rien, voilà, de rien du tout. Hein. Ouais, mais ça, c'est parce que tu es africain, ça. Ouais, tu es focalisé sur ton problème de noix de coco, tu ne... Ah, mais non, mais tu as raison en même temps. Va, dans la rue, il y a des arbres, tu vas pouvoir finir cette conversation là, tranquillement. Non, mais il a raison, merci, Kepi. Hein? Il a raison, d'ailleurs, parce que J'espère que vous êtes invité la prochaine fois à amener aussi vos végétaux, hein, vos plantes, hein, des fleurs. Mais oui, parce que c'est tout le monde du vivant, hein, qui doit se retrouver dans ce grand élan, hein, vers rien. Donc on va se retrouver un peu plus tard, hein, dans un espace, je l'espère, un peu plus grand, parce qu'on est un peu serré là. Le slam de plus en plus nombreux. Le mouvement reconnaît un succès vraiment phénoménal. En 15 jours, on a doublé. Mais oui, parce que, et nous le savons bien, tous ceux qui sont ici, hein, hier encore, nous étions, hein, tous, hein, chrétiens, musulmans, juifs, hein, bouddhistes, orthodoxes. Hein, nous savons bien que toutes ces différences, toutes ces frontières, hein, nous ont conduits à rien. Rien. Rien du tout. Rien, rien, rien, rien du tout.